La roue tourne dans le quartier, dans le quartier rempli de galérianos de tout poids, de tout poids. La roue tourne dans le quartier, ceux qui regardent la vie par les trous d'avarie. Mes années passées dans le quartier ont laissé des traces indélébiles sur mes refrains. Certains sont devenus débiles et qui le referaient, ouais. Les petits tournent sur la tête ici, te retournent, te traitent comme un ennemi. Assise tous le regard fixe comme son maître prend comme un coup de tête en traite, pas de rix. Mal que sans risque, stick à ton spliff. Ça kiffe. Le décalage, je monte au 14e étage où tournent les 16 de passage. Au bureau, je compte tes baisses, va faire un stage. Les balles à frais, marquées sur le visage, trop foncé, certains nages. Bloqué dans l'engrenage, dans la mer Bavaria, trop fort est l'ampérage. Lascar, dans ton crâne, tourne la page, cesse de ruminer. Le passé, ton épopée, ton plus bel âge. Les remontées de fumée saccagent mes pensées, un tueur à gage. Ne dois pas penser à la cage, repenser au braquage. L'idylle mentale t'a repris en otage. Souffrir un peu plus chaque jour, tel sera ton gage si tu n'arrêtes pas les mauvais présages. Lascar, comprends mon message, comprends mon message. La roue tourne dans le quartier, dans le quartier rempli de galérianos de tout poids, de tout poids. La roue tourne dans le quartier, ceux qui regardent la vie par les trous d'avarie. Dans le quartier, la roue tourne, fils, pour les enfants du vice. La tessitaire propice est à mon novice. Quand tu n'as pas évolué dans le crachat et la puce, nique la police. Sur un mur bien lisse, mes neurones fléchissent. J'allume sous l'emprise du hashish que je fume. Je pense au lascar qui croupisse et ressent l'amertume. Tu filtres Marocco sur le bout de ma langue, la langue pendue devant la thune. Rêvant du pays des agrumes résume l'existence d'un galalianos, d'un lascar du bitume. J'écume le goût amer de la défaite qui reflète trop souvent le tempérament d'un mec qui perd la tête. Les yeux en forme de raid éclatés par les bêtes. Jamais tranquille, toujours sur la corde, il m'envoie le raid, ma horde plaide. La légitime défense défonce les ports à l'essence et ta persistance. Ta persistance paiera en abondance. En abondance. La roue tourne dans le quartier, dans le quartier rempli de galérianos de tout poids, de tout poids. La roue tourne dans le quartier, ceux qui regardent la vie par les trous d'avarie. Seul, je marche seul, seul dans la vie. Mes ennuis t'anéantissent donc je reste seul. Pour moi tous les jours sont dimanche, pas d'église. Je reste en deuil quand il le faut, je retrousse mes manches. Les manchots à mes trousses, jamais je ne flanche. Quand les ports me serrent, c'est seulement la première manche. Je veux ma revanche, gâche. Explosé que des orfèvres plastiqués comme un lâche. Voilà sur quoi je me penche dans mes moments de relâche. Sache que les lascars sont de mèche, comme deux frangins dormant dans le même lit, tête bêche. Les études dans ton existence, le prélude de la sentence. L'exactitude de mon phrasé romance le système capitaliste en France. Danse avec les ports, avec les morts. Au labo tu auras tout toujours tort, fort sur mes appuis, sur mes amis je puis et m'enrichis. Le savoir est une arme et beaucoup je réfléchis. La roue tourne dans le quartier, dans le quartier rempli de galérianos de tout poids. La roue tourne dans le quartier, ceux qui regardent la vie par les trous d'avarie. Esti, colle-moi de feuille à gauche là, oh, c'est doré là, galérianos de tout poids, de tout poids. Un retour dans le quartier, ceux qui regardent la vie par les trous d'un baril.